Salut. Pourquoi t'es venu ici? Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Tout va bien. Sache que ce n'était pas ta faute. Ça ira mieux demain. L'émission! Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Notre univers est au bord du précipice. Soyez à mes côtés. J'ai un travail à accomplir, alors je le fais. Je sens que je vais me plaire ici. Bienvenue au palais. Ça ira mieux demain. L'émission! Fadjet. Nous avons retrouvé Benoît. Oui, je suis là. Et j'ai retrouvé mon Laurent aussi derrière la console. Dans toute une petite ambiance de Noël dans les studios qui est fort sympathique avec les petites guirlandes, je ne vous l'avais pas encore dit. Et puis la superbe lampe de Laurent qui illumine mon ordinateur et mon teint basané. Alors je voudrais juste te dire que c'est pas ma lampe, hein, c'est celle de France. Ah bon, bah alors merci France de ce prêt. Et tu illumines mes vendredis soirs. Ça ira mieux demain l'émission, donc dans quelques instants nous allons évoquer non pas le film, on va y revenir un petit peu parce que Willow avant c'était un film et la magie américaine a fait qu'ils en ont fait une série et c'est plutôt une assez bonne surprise, je vais vous détailler ça dans quelques instants. Dans le parloir, on fera un petit rattrapage avec une bande-annonce fort sympathique. Si je parlais du géant vert, mais c'est pas tout à fait le géant vert, mais nous parlerons de Hulk et She-Hulk, qui était un beau petit carton, une belle petite surprise pendant cet automne sur Disney+. Alors moi qui suis un fan de la série des années 70, pas vraiment des films qu'ils ont fait dernièrement, mais du personnage masculin Hulk, ça se tient, la femme qui devient Hulk? Ouais, ça se tient. C'est très dans un style amusant. Et puis, il y a un petit rebondissement à la fin. C'est une petite série qui se regarde. Il ne faut pas le regarder avec un niveau, en demandant un niveau très élevé, mais c'est assez divertissant. Non, mais il y a des séries comme ça que tu regardes, ça vole pas haut, mais que tu apprécies. Voilà, c'est bien joué, c'est intéressant. C'est plutôt pas mal. On commence donc en musique avec des nouveaux jeunes qui sont japonais, ils s'appellent Naniwa Danshi. C'est 7 jeunes garçons dans le vent qui en sont à leur 3e single. Ils ont créé pendant le confinement et ils ont sorti un petit EP et puis ensuite ils ont sorti un album tiré de leur premier album. Voici leur 3e single qui inonde la planète. Il y a le single Happy Surprise et derrière ce single Happy Surprise, il y a une belle chanson de Noël. Ça s'appelle Merry Christmas et c'est très coloré, ça vous donne la pêche. Et aussi bien Happy Surprise que Merry Christmas, vous entendez ça le matin et ça vous donne la pêche. Et si tu veux aller regarder le clip, c'est très coloré, c'est assez rigolo. Mais là tout de suite, c'est Merry Christmas. C'est Merry Christmas parce que c'est quand même le titre, on va dire, de circonstance. みんな集まる準備に会キラキラに輝いたライフ街に色づくパリムー C'est-il pas beau? Ah, c'est pas du Mylène Farmer, hein. Ah non, c'est plus dynamique, c'est ah, très... Non, ah, ça c'est... fait du bien. Ah, ça fait du bien. Ah, oui. Voilà, c'est sympa. Puis tu regardes le clip, c'est très rigolo. C'est, voilà, c'est des petits jeunes. Moi, j'aime bien, c'est japonais. Voilà, on n'avait pas beaucoup de chansons japonaises pour l'instant. Donc après, les Coréens et les Sud-Coréens, bah, c'est un peu la même chose, mais en mode japonais. Alors c'est sûr que quand tu... on a l'impression que ça vient... Tu disais hors antenne, on a l'impression que c'est un générique de dessin animé. Parce que c'est vrai que dans les dessins animés, souvent, ça parle un peu japonais, les vraies bandes originales de dessins animés. Oui, puis ils font de vrais beaux génériques. Et là, je me souviens dans les années 90, on avait une série qui est apparue sur Canal+, Evangelion. Pareil, là, on avait un magnifique générique visuel hein, en images. Et la partie son, la chanson était magnifique. Et là, c'est vrai que du côté du Japon, on arrive à avoir ces titres pleins d'énergie. Alors, c'est pas facile à chanter. Hein. Si on veut essayer de fredonner, c'est pas évident. Mais bah déjà, est-ce que tu arrives à voir la différence entre un titre qui vient du Japon et de Corée ou... C'est un peu plus rond. Quand ils parlent en japonais, il y a des plus de haut. De... Ok. Mais bon, après... Voilà, bah là, c'est Monsieur Haute 40 qui parle. Voilà. Mais bon, en attendant, si vous aimez Nani wa Danshi... Eh bien, je peux vous le dire, un petit... Voilà, c'est la meilleure entrée du Haut de 40. Dans une heure, vous réentendrez Nani wa Danshi si vous êtes toujours sur Fadjet. Bah, je pense que j'en passerai dans Destination CD. Ah, tu vois, me disais que ça pourrait te plaire parce que c'est dynamique. Ah, oui, oui. Et tu verras, le Happy Surprise, c'est dans le même acabit. Allez, un coup de baguette magique et je vous transporte. Alors là aussi, on parlait de générique, Laurent. Mais le générique de Willow, c'était culte aussi, ce générique de film. Je ne sais pas si tu avais vu le film. Non. Mais peut-être que la musique te... Ah, mais comme je suis en retard sur les séries, je suis en retard aussi sur les films. Mais bah alors, faut me laisser le temps. C'est à l'époque où tu étais avec un ciseau à bois, je crois. Donc là, je pense qu'au niveau rattrapage, c'est un peu difficile. Mais bon, ça se retrouve aussi facilement. Moi, comme je dirais toujours, mieux vaut tard que jamais. Eh oui. Allez, partons à la découverte de Willow, cette nouvelle série sur Disney+. De jolis cadeaux de Noël nous fait Disney en ce moment. Ça ira mieux demain. L'émission! Plus de 30 ans après le film original, Willow Hulfgood est de retour dans Willow, une série pleine de magie signée Disney+. À cause du Seigneur des Anneaux, les Anneaux du Pouvoir et grâce à House of the Dragon, on peut dire que la fin de cette année 2022 a marqué un certain retour à la fantasy et on ne va pas s'en plaindre. Après Amazon Prime et HBO, c'est donc désormais au tour de Disney+ de dévoiler sa série fantastique tant attendue avec Willow, suite du film Willow. Réalisée en 1988 par Ron Howard, d'après une histoire originale de George Lucas, et oui, qui produit d'ailleurs le film, Willow est désormais considéré comme un objet de culte cinéma. Jugé révolutionnaire grâce à ses effets spéciaux impressionnants à l'époque, il est surtout devenu un film d'une génération, au même titre que L'Histoire sans fin ou Dark Crystal. Rappelez-vous, Willow, c'était ça, en 1988. Le créateur de La Guerre des Étoiles, le réalisateur de Cocoon, un nouveau monde voit le jour. Malgré mes pouvoirs et la puissance de mes armées, vous êtes incapable de retrouver un tout petit enfant? Le monde est plein d'embûches. C'est pour ça qu'on a besoin de ton aide. Ton voyage ne fait que commencer. Willow. Des héros de toutes les tailles. Mais jamais aventure ne fut plus grande. Wow. Trouvez cet enfant, trouvez-le! Figure-toi qu'on n'a pas peur de toi! Attrapez-les! Ah! Tu vas nous faire tuer! J'ai entièrement confiance en lui. Le retour de la grande aventure. Tu es un grand guerrier. Willow. Et surtout, une bande-son mythique. Dans le long métrage réalisé par Ron Howard, on découvrait un monde sombre, dominé par la terrible Bavmorda, une reine maléfique qui craint une prophétie. Un jour, une princesse naîtra et mettra fin à son règne. Cette princesse, c'est Elora, qui porte sur le bras une marque. Grâce à une sage-femme, l'enfant est éloigné du château de Nokmar, où se trouve Bavmorda, avant d'être recueilli par des Nelvirn, des êtres de petite taille. C'est à Willow que revient la tâche de partir avec l'enfant pour la remettre à d'autres Daikini, qu'on appelle les humains. Il ne se doute pas qu'une aventure dangereuse l'attend aux côtés du grand guerrier Mad Martingan et de la magicienne Finn Raziel qui lui apprendra la magie. Refaire une série d'un film, est-ce vraiment une bonne idée? Bonne nouvelle, pour nous, Ron Howard est bien présent à la production pour garantir le suivi aussi épique qu'original. La meilleure idée de cette série est bien évidemment de faire revenir Willow Ofgood, le jeune magicien Nelvid et héros du premier film, toujours joué par Warwick Davis. Il a pris un petit peu de la bouteille, mais il est toujours au mieux de sa forme. On l'a vu dans d'autres films depuis, notamment les séries d'Harry Potter, entre autres. La série se déroulera donc plusieurs années après les événements du premier film, et encore une fois, Willow Ofgood devra tenter de sauver le royaume et de restaurer la paix. Cette fois-ci, il fera équipe avec des petits genoux interprétés par Ruby Cruz, Erin Kellywan, Ellie Bamber, Arna Jada Patel et Tony Revolieri. Tout ce beau monde, on a eu le plaisir de les voir dans des séries ou au cinéma. Falcon et le Soldat de l'Hiver, le Serpent, The Thursday ou The Grand Budapest Hotel, pour ne citer que ceux-là. Warwick Davis n'est pas le seul de la bande originale à revenir, puisque Joanne Whalley reprendra son rôle de Sorcha, Kevin Pollak sera à nouveau Rule et Rick Overton sera toujours Frangine. Les acteurs Ralph Ineson et Kristen Slater ont également rejoint le casting. Willow est chapeautée par Wendy Merici, scénariste et productrice de la série Arrow, ma série fétiche des années 2010, et par John Kasdan qui a co-scénarisé Solo, A Star Wars Story, avec son père Lawrence Kasdan, lui-même scénariste de plusieurs épisodes de la saga Star Wars. On a donc ici tous les ingrédients pour faire de Willow une réussite. Qu'en est-il vraiment? Si l'on en juge par les critiques professionnelles, elles adorent. Willow est un rare régal, la réponse de la fantasy à Top Gun Maverick qui donne aux fans exactement tout ce qu'il voulait et même bien davantage pour le Collider, un magazine américain. On a finalement une suite à la saga Willow avec l'âme et le cœur que l'histoire mérite. La nouvelle série de Disney Plus est une hilarante et absolument enchanteresse, continuation du classique de Lucasfilm. Au lieu d'aller se perdre dans une nouvelle esthétique plus sombre et dans une intrigue à énigmes, Willow embrasse toute la candeur de son support original. Willow est un tour de force, de fun, de fantaisie et de frivolité pour le magazine américain Decider. La série est plus qu'intéressante, avec de meilleures caractérisations des personnages, des intrigues moins prévisibles et des blagues plus percutantes. Le film était vaguement humoristique, mais la série s'installe légitimement comme une comédie entre les scènes de suspense et de violence. Habituellement, les suites diminuent l'œuvre originale, mais ce retour de Willow est absolument gagnant. Quelques réserves toutefois pour les Rolling Stone magazine Rolling Stone. The Willow est bien étrange, une série qui n'arrive pas à se décider à quoi elle veut bien ressembler, ni à quelle audience elle veut s'adresser. Par bien des aspects, c'est divertissant, mais souvent très inégal. Pour The Daily Beast, Willow ne parvient à retrouver son éclat de vie que lorsque Warwick Davis joue les facétieux ou prend la tête de l'équipe, ce qui n'est pas assez fréquent. En se basant sur cette nouvelle introduction, Willow ressemble de manière générale à une autre exploitation de franchise sans utilité. Et enfin, pour The San Francisco Chronicle et Pasté Magazine, la plupart des problèmes de la série sont dans le premier épisode. Et après ça, Willow commence à montrer son potentiel. Les fans qui tiennent le film original en haute estime risquent d'être très agréablement surpris. Donc il faudra être courageux, tenir le premier ou le deuxième épisode pour franchement apprécier à sa juste valeur Willow. Dans la série, deux décennies plus tard, Sorcha, la fille de Bav Morda, qui s'est retournée contre elle, est à la tête d'un royaume en paix. Mais les forces du mal sont de retour et enlèvent son fils. Sa fille, Kit, va alors mener un petit groupe pour le retrouver. Et pour les aider dans leur quête, ils pourront donc compter toujours sur Willow. Tu penses savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ce qui est lumineux et ce qui est sombre. Maintenant, oublie tout ce que tu sais. Viens avec moi. Ils arrivent. Willow. Nous sommes à la recherche du sorcier Willow. On m'a dit qu'une fois, il y a longtemps, vous avez vaincu les forces du mal. Vous êtes le portrait craché de votre mère. Mon cher ami, je pensais pouvoir empêcher tout cela. J'ai eu tort. Mon frère Erk a été enlevé. Le monde a besoin de vous. Il a besoin de votre magie. Suivez-moi. C'est là que nous devons aller, au-delà des confins de notre monde. Vers l'inconnu. Willow ! Il faut que tu m'aides. Comme au bon vieux temps. L'attaque, la course, les chevaux, la pagaille, le chaos et une fin de conte de fées. Notre ennemi juré est toujours là-bas, rassemblant les forces du mal. Et les seuls qui se dressent sur son chemin, c'est nous. J'ai l'intention d'en profiter. Si tu penses à ce que je pense, moi aussi. J'en doute énormément. Emmenez-le dans ma tente et attachez-le. Bah voilà, vous voyez bien qu'on est sur la même longueur d'onde. Quand j'étais enfant, je jouais aux sorciers. Je visitais des mondes étranges, je chevauchais des monstres. Fuyez ! Jamais je n'aurais pensé le faire vraiment. Mais c'est quoi ça ? Des trolls. Alors là, je suis vexé. Il faut se dépêcher. Comment comptes-tu nous battre ? Comme la dernière fois. Avec mes amis. Faut-il vraiment rechercher le chef-d'œuvre qui fait suite à un film mythique ? Si la réponse est oui, la déception vous guettera peut-être certainement. Les créateurs ont fait le choix de proposer une pure œuvre de fantasy qui ne recherche pas à révolutionner le genre, mais se veut un simple divertissement. Et c'est peut-être en abordant Willow de la sorte qu'on pourra donc apprécier le plus cette série. La mise en scène est très télévisuelle, très moderne, peut-être un peu facile dans le son scénario, mais cependant un certain charme se dégage de Willow, en grande partie grâce aux personnages, tous plus sympathiques les uns que les autres, et le plaisir de revoir Warwick Davis en Willow en est le premier exemple. Ou encore Joanne Whalley en Sorcha. On trouve ainsi Jade, chargée de protéger Kit, mais qui entretient avec elle une forte amitié. Également Graydon, futur époux de Kit, qui se révélera plus courageux qu'il en a l'air. Ou encore Booman, une brute imposante qui amène constamment une touche de légèreté. Sans oublier Dove, qui, en peu d'épisodes, passe d'une cruche assez stéréotypée à une héroïne déterminante. L'ensemble aurait probablement pu se contenter d'une version un peu plus courte, avec une suite via un long métrage, plutôt que d'une série. Mais une diffusion en décembre sur Disney est un joli cadeau de Noël qui ravira petits et grands autour du sapin. N'est-ce finalement pas là l'essentiel ? Non, j'allais dire quelque chose. J'allais dire que l'essentiel aujourd'hui était ailleurs. C'est demain, mais bon. Voilà, cette belle série que je vous invite à voir sur Disney+, c'est donc Willow. Belle musique quand même, ça t'a pas rappelé la musique, non ? Alors écoute, en fin d'émission de Destination Série, mes oreilles ont souffert. Et là, en fait, grâce à ton émission, là, je sens que mes tympans sont en train de se revigorer. D'accord. Eh ben voilà. Mais cette musique-là, au début, je me rappelais plus. Je me disais, ah, Willow, il y avait une musique connue. Puis dès que tu l'entends, ça te rappelle des souvenirs. Cette musique, même si on n'avait pas vu le film, à l'époque, elle passait souvent en radio et tout. C'était un peu comme la musique d'E.T., tu vois. Voilà. Je pense que ce film-là fait partie des films que j'ai vu en bande-annonce, en fait. Bien, ben voilà. Il y a pas mal de films, ce qui est amusant, les Disney, j'ai surtout vu les bandes-annonces. Ce qui est assez amusant, c'est que quand tu entends la bande originale d'époque du film et que tu entends la bande originale de la série, tu vois déjà qu'on a changé d'époque, quand même. Ah, c'est sûr. Hein. Il faut savoir évoluer avec son temps. Allez, une petite bande-annonce pour finir, parce qu'on n'est pas en avance du tout. Et là, dans notre palais, je vous propose de rester un peu sur Disney+, dans cette ambiance un petit peu festive, avec un Marvel qui a été pas mal décrié, mais qui, quand même, a su tirer son épingle du jeu, parce qu'il a été quand même beaucoup apprécié par les femmes, par les fans. Pas par les fans. Ah, mais non, je croyais que c'était par les femmes, aussi. Puisque là, c'est un. Par les femmes aussi. Un héros masculin qui devient une féminin. Héroïne. Et voilà, c'est She's Hulk, avocate. Écoutez cette bande-annonce qui n'est pas piquée des vers, sans jeu de mots. Oh, nom d'un chien, qu'est-ce qui te prend? T'es malade! Ça va, tu maîtrises? Pas d'accès de colère incontrôlable? Non, juste une colère normale et légitime. Tu reprends bien l'aspect de Jen pendant ton sommeil? C'était indispensable, la canne de brume. Désolé, j'ai pas pu résister. Il va te falloir plusieurs années pour apprendre à maîtriser tout ce que ça implique. Yes! Ouais, c'est qui ton meilleur ami? Nikki. L'Elastan. C'est l'Elastan, ton meilleur ami. Être un Hulk exige un certain sens de l'équilibre. Tu as encore tellement à apprendre. Ouais! Bon, tu vois bien que j'ai réussi tous les tests. Écoute, si tu veux retourner à ta vie d'avocate, je respecte ton choix. Il le pense pas. De plus en plus de super-humains apparaissent un peu partout. Nous avons créé un service spécialement pour eux et je veux que Miss Hulk en soit la représentante. Jennifer Walters. Namasté. J'ai un sérieux conflit d'intérêts. Cet homme a tenté de tuer mon cousin Bruce. Oui, je connais l'affaire. Oh. Les gens s'intéressent à moi uniquement parce que je représente Emil Blonsky. Non, ils s'intéressent vraiment à toi parce qu'ils disent « Waouh, le Tom, cette fille !» Allez, fais ton truc. C'est pas vrai, je l'aimais tellement, c'est ailleurs. J'en suis pas très fière. Mademoiselle Walters, nous répondons à un plus grand pouvoir. Notre univers est au bord du précipice. Je suis avocate. Je dois me conformer au livre. Au livre des Vishanti. Non, au livre de droit américain. À la loi, quoi. Que ça te plaise ou non, tu es désormais une super-héroïne. C'est quand vous voulez. Vous vous souvenez de la copine que vous aviez au lycée ? Celle qui était bien plus cool que vous, super canon. Celle qui attirait tous les regards. Salut. Je crois que je suis jaloux. C'est ça que je ressens, de la jalousie. Voilà, c'est une belle bande-annonce qui donne envie, et c'est vrai, avec beaucoup d'humour. Si vous n'avez pas de série à regarder, ça se regarde vite. 9 épisodes de 30 minutes pendant les fêtes. Vous pourrez passer un bon moment en famille à regarder She's Hulk sur Disney+. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce « Ça ira mieux demain » l'émission. La semaine prochaine, on restera encore dans cette ambiance de Noël, où je vous ferai revivre aussi des films qui sont devenus une série, je ne vous dis pas laquelle, mais ça parle du Père Noël. Allez, je vous retrouve dans une demi-heure pour le Haut de 40, bien sûr. Et je demande encore pardon à Laurent pour mes digressions footballistiques dans l'émission de ce soir. C'était l'actualité. Voilà, après, ça sera tranquille. Il n'y en a plus après. Allez, à bientôt, à la semaine prochaine avec Laurent, et puis à moi, dans une demi-heure. Pour les deux dernières émissions de l'année 2022. Exact. Bye bye. Snow Light 雪の魔法で聖なる鐘が鳴る夜に